Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Dans 6.3 FPP, vous êtes avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, CSPCL. On est dans le programme de la jungle des luttes, donc comme tous les troisièmes lundis du mois. Aujourd'hui, on va plutôt parler cinéma, enfin de cinéma engagé ou d'engagement autour du cinéma, de lutte donc quand même, toujours et toujours. Et donc on est aujourd'hui en présence de Omblin, on m'a dit, on l'écrit ou pas, Omblin. Et Glenn, du collectif Pico et Pala, qui a organisé un festival du cinéma engagé argentin très récemment. Donc, on en parlera en détail avec eux de ce que c'est ce beau projet. Et on est aussi avec Mohamed, qui lui est plus local, qui travaille essentiellement sur le quartier du 19e et qui a monté un ciné-club de quartier ciné-club Danube Palace. Et qui, lui, projette des films plutôt avec des cycles par continent du cinéma africain. Et cette année, on est plutôt sur le cinéma asiatique. Normalement, on a des invités, des musiciens qui viendront nous faire une petite intermède musicale. Donc, on attend qu'ils arrivent, on a le temps, tranquille. On est ensemble une heure et demie, donc jusqu'à 8h30 pour les rediffusions du jeudi matin. Mais ce sera... une heure et demie ensemble. On évoquera aussi rapidement la rôtisserie, qui est un restaurant associatif autogéré qui est menacé d'expulsion. Et donc, je reviendrai un petit peu plus en détail pour qu'on continue à soutenir la rôtisserie et qu'on se mobilise, puisqu'on est adhérent pour quelques-uns autour de la table ou pas. Mais en tous les cas, nous, le CSPCL, on a l'occasion souvent de faire des repas là-bas. Et donc, il faut soutenir ce projet, pas seulement pour nous d'ailleurs, mais aussi pour les salariés de la rôtisserie et puis pour le projet en lui-même et la défense du quartier de Belleville, un peu... Belleville, c'est le 10e, mais bon, quartier de Belleville, un quartier populaire qui doit un petit peu garder son âme malgré les spéculations immobilières. Enfin, faisons tout pour. En attendant, une petite pause musicale et on parle tout de suite de cinéma argentin et de lutte. À tout de suite. Trabajo para el inglés, trabajos de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya. On est ensemble jusqu'à 8h30. Je vous présente donc de nouveau Omblin et Glenn pour le festival Pico et Pala. Enfin, pas pour le festival d'ailleurs, c'est un collectif. À chaque fois, je fais la même erreur. Donc, le collectif Pico et Pala, qui est un collectif de diffusion du cinéma argentin engagé. C'est bon, la mention engagée, on précise. Et donc, vous avez organisé cette année le deuxième festival. Donc, l'année dernière, c'était le premier. Et donc, on est content d'être avec vous, d'autant qu'on a l'occasion d'y participer, de voir de l'intérieur toutes ces réunions de gens autour de cinéma. Il y a aussi des côtés festifs, en tous les cas aussi des débats. C'est assez intéressant. Peut-être que vous pouvez nous parler de cette initiative, de ce que c'est ce collectif, comment vous est venue l'idée, puisque c'est... Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. En même temps, il y a aussi beaucoup de moyens, une grosse organisation. Beaucoup de moyens, je dis, par rapport au fait que vous avez quand même, l'année dernière, réussi à obtenir des fonds pour avoir quelqu'un qui allait pouvoir faire du travail et donc avoir un petit salaire. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a eu une démarche de recherche de fonds, ce qui est à noter, parce que ça permet de faire des belles choses aussi quand on a un peu de moyens. C'est vrai. Alors, effectivement, l'année dernière, on avait une personne qui était employée. On avait aussi quelques subventions. Cette année, on a encore eu une personne employée qui était payée. Mais on n'a pas fait de demande de subvention. On a décidé d'autofinancer le reste des activités, notamment avec la rôtisserie dont on parlait tout à l'heure. On a fait 3 rôtisseries cette année pour pouvoir financer le festival. Acheter un peu de matériel, on a pu acheter un vidéoprojecteur, c'était une grande première cette année, c'était très pratique d'avoir notre C'est mieux d'avoir son matériel. Ouais, c'est beaucoup plus sûr, même si on a quand même quelques soucis. Pouvoir être autonome. Mais donc effectivement, le collectif existe depuis quelques années, il y a eu l'envie de... Au début, c'était juste de la diffusion ponctuelle de films, donc de films argentins qui étaient trouvés en Argentine avec des contacts qu'on avait là-bas, qu'on ramenait en France, qu'on sous-titrait, parce que souvent, c'est des films qui n'ont jamais été diffusés en France, donc il n'existe pas de traduction française, donc il fallait traduire et sous-titrer. Et de les diffuser. Puis on a eu envie de faire quelque chose de plus gros, donc de faire un festival où on pouvait présenter plein de films à la fois. Donc effectivement, deuxième festival cette année, une semaine à chaque fois, 7 jours de diffusion, une thématique par jour. C'est à peu près l'idée. Ça dépend de la durée des films. Parfois, on passe effectivement des longs métrages. Parfois, ce sont uniquement des courts métrages. Donc ça dépend. Mais en gros, donc pas seulement du documentaire Cette année, il n'y avait que du documentaire. L'an dernier, je crois qu'il y avait une ou deux fictions. Mais c'est quand même plutôt du doc en général. C'est aussi parce qu'on est quand même plutôt proche de collectifs de mouvements sociaux et qui sont plus dans une expression documentaire, qui font des films sur leurs actions, etc. Ça prend plutôt la forme documentaire en général. Donc des films parfois courts, parfois des films plus longs. Et toujours une discussion, un débat avec des invités suite aux projections pour approfondir un peu le thème, pour permettre au public de participer, d'interagir, de se renseigner un petit peu sur ce qui a été fait. Et puis effectivement, un peu de musique, un peu de théâtre, une expo photo, enfin d'autres éléments, pas que, donc pas que du cinéma, pour pouvoir toucher à ces thématiques-là. Et donc aussi, vous n'êtes pas tous argentins, je suppose, ou peut-être si Non, tous, non. On n'est pas très nombreux à être argentins. Je crois qu'il y a deux argentins. Après, il y en a quelques-uns qui ont un peu de famille en Argentine, même s'ils sont nés ici, mais donc ont quand même des contacts un peu privilégiés. Mais moi, je ne suis pas du tout argentin. Tu ne connais pas l'Argentine. Je n'ai jamais mis les pieds en Argentine. J'ai vécu en Amérique latine et j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Donc, du coup, ça m'intéressait d'en savoir plus. Parce qu'au départ, ce collectif, c'était plus centré sur la question du cinéma, pas forcément un collectif de solidarité. C'était plutôt sur la question... Ça a toujours été présent quand même, l'idée de la solidarité, parce que chaque soirée qu'on fait, par exemple, au festival, il y a le soutien, donc ce que les gens apportent, ça a toujours été entrée prix libre. Donc cet argent-là, l'argent aussi qu'on peut récupérer avec la buvette ou le restaurant quand on fait ça, va à un destinataire du soutien. Donc il y a un collectif, une association, un mouvement en Argentine qui reçoit de l'argent. Donc il y a toujours eu cette idée de soutien. C'est pas que de la diffusion en France, c'est aussi apporter quelque chose aux gens qui ont fait les films ou aux collectifs qui ont réalisé les films ou à des luttes dont parlent les films qui sont quand même bénéficiaires aussi de notre travail ici. Donc on peut rajouter presque la mention solidaire dans votre intitulé pour la diffusion d'un cinéma engagé et ou d'un collectif aussi solidaire du coup. Si... On peut rajouter, oui. Et là, par contre, on a parlé du cinéma argentin, mais là, dans le festival, donc tu disais, il y a une programmation, enfin, il y a déjà des activités multiples, parce qu'il y a justement cette année, il y avait le Théâtre de l'Opprimé qui était présent et qui avait un espace. Il y a eu un stage en fait du Théâtre de l'Opprimé de 3 jours, 3 après-midi, qui ont été faits dans le cadre du festival. Donc, il y a une dizaine de personnes qui ont participé à peu près, qui ont pu connaître le Théâtre de l'Opprimé, participer, enfin voilà, apprendre tout ça. C'était dans le cadre du festival. Et du coup, il y a aussi des projections sur des films français ou sur des problématiques politiques et sociales d'actualité en France. Je sais pas, l'année dernière, il y avait eu des ouvriers qui avaient été en grève, qui avaient été présents, mobilisés, parce qu'il y avait eu une projection, je ne me rappelle plus du titre du film, mais du coup, il y avait aussi un engagement politique. Enfin, en tous les cas, l'année dernière, il y avait eu des débats autour de la situation en France et... Il y a toujours l'idée de faire des liens en fait, entre ce qui se passe en Argentine et ce qui peut se passer en France. C'est-à-dire que même si on sait que les contextes sont bien différents, mais on dit que les luttes sociales argentines ne sont pas forcément très éloignées des luttes sociales françaises. Et on essaye toujours de faire des ponts. Soit simplement au moment du débat, après la projection, on explique bien que même si on a vu des choses qui se passaient en Argentine, on peut faire des parallèles avec la France. Soit parfois, effectivement, on peut passer des films français qui parlent de la même thématique, mais avec le point de vue français ou sur une lutte sociale en France. Cette année, on a projeté par exemple, lors de la première soirée qui était consacrée aux médias, on a passé donc des films argentins et on a passé aussi un film réalisé par plusieurs collectifs français sur la loi Lopsi 2, sur la lutte contre la loi Lopsi 2 à Toulouse. Donc, c'était un moyen de faire un lien sur la loi des médias en Argentine et la loi qui va toucher aussi aux médias en France. Donc effectivement, on essaye de faire des ponts, et même pas que avec la France, parce qu'effectivement, on a pu projeter des films sur le Mexique, donc de collectifs mexicains, et on pourrait aussi le faire sur d'autres pays. On ne se limite pas. Donc la base, effectivement, c'est plutôt l'Argentine, mais on ne se limite pas à ça. Oui, c'est ce qui nous intéresse justement, nous, dans ce festival, d'abord, de découvrir des films argentins. Donc effectivement, parce que pour nous, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, évidemment, c'est intéressant parce que c'est le même continent, parce qu'il y a des renvois, mais aussi parce que nous, en tant que comité de solidarité, on est vachement intéressés aussi pour mettre en lien et en relation les luttes, en fait, et puis les problématiques qui parfois paraissent éloignées, mais effectivement se recoupent. La question de l'eau, la question de l'emploi, de la discrimination, de la répression, de l'oppression. Enfin, tout ça, c'est assez bateau, en fait, à dire. Mais du coup, à réaliser, ce n'est pas toujours facile, puisque effectivement, souvent, on est tenté de... ou peut-être aussi, on n'a pas toujours le temps et les yeux assez ouverts partout pour se rendre compte de ce que c'est. Donc, je trouve, une super belle initiative, ce festival. On revient avec le festival, on va peut-être faire une petite pause musicale. D'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas présenté le chanteur populaire argentin exilé en France, dont je ne connais pas le nom, mais qui donc... Atahualpa Yupanqui. Que peut-être certains connaissent, donc. Il est plus parmi nous depuis déjà 30 ans, donc peut-être que ceux qui ont plus l'habitude de connaître les chanteurs populaires le connaissent. Mais donc on vous remercie pour les petites programmations musicales. Et là, on va continuer surprise. De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía. De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía. Fresquita y ansiosa vidita y yo te la entregué. Tú la destrozaste, vidita, y yo no sé por qué. La la la la la la ira, la ra y la ra. Ya que yo cerro vengo, negra querida. Dice que no fíe de tus amores. Este ponchito mío de tres colores me dice que no fíe de tus amores. Palomita ingrata, vidita, y me has pagado mal. Córtate las alas, vidita, y déjale volar. La la la la la la ira, la la ira ira. De aquellos cerros vengo, paloma. Jungle des luttes sur FPP 106.3. On est avec le collectif Pico et Pala qui donc vient de sortir de la programmation de son deuxième festival. Donc on est avec de Ombline et Glenn on n'a pas beaucoup entendu Ombline, mais peut-être qu'elle nous dira deux trois mots sur ce festival. On a surtout entendu Glenn, donc on en était sur un petit peu des programmations variées lors de cette semaine intense de cinéma, avec aussi des activités théâtre, mais aussi des concerts. Il y avait, j'étais pas cette année, mais l'année dernière, en tous les cas, c'était des moments festifs. Ça faisait du bien aussi de pouvoir rencontrer des gens. Vous avez quand même réussi à toucher beaucoup de public, non ? C'est l'impression que j'ai. Alors, peut-être pas tant par la diffusion. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, vous avez bien travaillé sur la diffusion, en tous les cas, du programme, du festival lui-même. Moi, je n'ai pas franchement toujours cette impression en interne. On se demande toujours comment les gens sont arrivés là, est-ce qu'on a fait assez de travail. Mais effectivement, on a eu pas mal de monde. On avait jusqu'à peut-être 150 personnes sur les plus grosses soirées, une cinquantaine sur celles où il y avait un peu moins de monde. On a essayé aussi, enfin, c'est important pour nous, mais le festival est itinérant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au même endroit, on change chaque jour de lieu. Oui, c'est ce que je voulais dire justement, parce que c'est vachement intéressant aussi de découvrir des lieux. On suit le festival, mais on découvre aussi des lieux. On essaye qu'il y ait un plus ou moins un lien, quand c'est possible, entre la thématique et le lieu. Notamment cette année, on a été dans un chapiteau qui est dans un camp rom à Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, qui s'appelle le chapiteau Rajganawak. Et c'était justement pour parler un petit peu de la thématique des lieux, des territoires, de la ségrégation territoriale, etc. Donc pour nous, ça avait un sens d'être dans cet endroit-là. Et avec cette population-là, on a été aussi dans des squats, on a été dans des lieux un peu alternatifs. Enfin, on change chaque jour en tout cas, et ça c'est important de ne pas se figer à un seul lieu. Alors c'est pas forcément facile non plus au niveau organisation, forcément, il faut trouver plusieurs lieux. Il faut travailler. Et puis c'est pas toujours les mêmes lieux que l'année d'avant non plus. Enfin, du coup, on peut pas se reposer sur ses lauriers. Cette année, par exemple, on avait envie d'être à la CIP, coordination intermittent et précaire d'Île-de-France. Et puis vu qu'ils sont aussi dans une situation précaire, très précaire en ce moment, on s'est dit que c'était vraiment pas assez sûr de pouvoir prendre ce lieu-là pour une soirée, et qu'on risquait de pas l'avoir, que c'était trop compliqué aussi pour eux, qu'on a déjà beaucoup de problèmes à gérer en ce moment. Donc on n'a pas pu prendre ce lieu-là, mais on voulait aussi les soutenir un peu en participant. Mais bon, finalement, on a pris d'autres lieux. Enfin, effectivement, c'est un travail de, au niveau de la programmation, c'est pas juste trouver les films et les choisir, c'est aussi trouver les lieux, trouver les gens qui vont participer, les invités, les musiciens, etc. Mais ça permet de faire quelque chose qui est effectivement assez, on va dire, éclectique, en tout cas assez riche. C'est pas juste du cinéma et c'est pas un endroit non plus où forcément on se contente de s'asseoir pour regarder un film passivement. Il y a pas mal de choses à faire. Il y avait effectivement un atelier le dimanche qui était un peu sur le thème de la culture, où il y a eu un atelier de livres en carton, donc matériel récupéré, comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose. On essaye d'aller un peu au-delà de simplement une projection bien assise dans un fauteuil, et ça marche plutôt bien. Et donc du coup, je reprécise pour ceux qui n'avaient pas écouté au début, du coup chaque journée, si j'ai bien compris, c'est chaque journée vous récoltez des fonds que vous reversez à des collectifs, des organisations qui sont en lutte en Argentine. En Argentine en tout cas, il y a toujours un destinataire de soutien. Mais par exemple, justement, quand on était au chapitre Raj Ganawak le jeudi, comme ils organisent aussi des ateliers vidéo avec des enfants ou avec des habitants du quartier, on a décidé que cette journée-là, l'argent qui serait récolté serait pour leurs activités. Donc ce n'est pas forcément que pour l'Argentine, toujours sur cette idée de lien, qu'on n'est pas que focalisé sur l'Argentine, on essaie de voir aussi ce qui se passe un peu ici et ce qu'on peut soutenir d'ici. Et concernant les projections, en fait, au niveau des films, c'est des documentaires. Et est-ce que vous réussissez à voir les réalisateurs, en fait, des documentaires, ou est-ce que c'est difficile ? On aimerait bien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les moyens de leur payer un billet d'avion pour qu'ils viennent voir. La plupart des films ont été réalisés en Argentine par des Argentins. Alors, on a essayé. C'est surtout des documentaires. Enfin, c'est des documentaires. J'allais dire fait par des gens d'en bas, j'allais dire, enfin, c'est un peu des gens en lutte qui filment, qui se filment, donc même s'il y a un travail d'élaboration, de montage, etc., c'est quand même pas du documentaire toujours spécifique, enfin très ficelé forcément. Il y a aussi plein de fois qui, enfin, je sais pas, j'ai déjà vu des documentaires où on voit bien que c'est les gens qui sont en lutte qui se filment eux-mêmes, etc. C'est amateur souvent, mais ouais, voilà, je trouvais pas vraiment le mot. Oui, enfin, ouais, je sais pas si c'est amateur, en tout cas vraiment amateur, ça veut pas dire spécialement pas de bonne qualité, hein. Amateur, ça peut être, non, mais effectivement aussi, ça c'est souvent enfin il faudra regarder la programmation, voir ce qui a été réalisé par des réalisateurs professionnels qui se sont intéressés au sujet. Mais c'est vrai que ce qui nous a plu dans les films argentins, c'est que ce soit des films faits à l'intérieur même des luttes, donc souvent par les gens eux-mêmes qui luttent. Et donc ça donne un regard tout à fait différent qu'un observateur extérieur, qu'un réalisateur. Alors il y en a aussi des films faits par des réalisateurs, notamment on a passé un film qui est fait par une réalisatrice française. Donc ça, sur c'est les plus facile, ouais. Du coup, là, c'est plus facile d'avoir des intervenants français. Ouais, alors, en France. Effectivement, on a eu des intervenants. On l'a pas eu, elle. Elle n'a pas pu venir. Elle n'était pas disponible ce jour-là. Mais effectivement, ça arrive aussi d'avoir des Français ou des Européens. On avait aussi un film fait par un Allemand en Argentine. Ça reste sur les thématiques qui nous intéressent et en lien, en tout cas, une proximité avec les luttes qui pour nous est importante. Et les luttes, la plus grosse. Enfin, ils luttent surtout pour. Enfin, sur quel sujet le sujet le plus important pour eux, en fait J'aurais du mal à dire le travail, justement, comme c'est des mouvements sociaux, c'est très divers, en fait. Je peux te dire un peu les thématiques qu'on a touchées dans ce dernier festival. J'essaie de le prendre dans l'ordre pour rien oublier. On a commencé par la question des médias, à partir d'un film qui raconte une répression très forte qu'il y a eu lors d'une manifestation en 2002, donc un petit peu après la crise. Pour redonner le contexte, en 2001, fin 2001, il y a eu une très forte crise en Argentine qui a créé des mouvements sociaux très profonds qui venaient déjà d'avant, mais qui ont vraiment pris une ampleur considérable à ce moment-là. Une lutte du coup contre les gouvernements en place qui avaient mené toujours une politique libérale extrêmement forte. Et donc plein d'assemblées de quartiers, plein de gens qui ont récupéré, des coopératives qui sont créées, des usines qui ont été récupérées par les ouvriers, etc. Et donc en 2002, il y a eu une grande manifestation sur laquelle il y a eu une répression très forte. Et deux morts par balle dans la manifestation, une trentaine de blessés par balle, etc. Et des médias qui ont voulu faire croire au début, sous l'influence du gouvernement de l'époque, que c'était en gros les manifestants entre eux qui s'étaient entretués et que la police n'avait rien à voir. Le mensonge n'est pas passé, mais donc du coup le film traite particulièrement de cette vision de comment les médias peuvent essayer de manipuler. Donc c'était sur cette thématique médias et aussi qu'est-ce qui existe justement comme médias alternatifs, télécommunautaires qui peuvent exister, qui sont nés avant ou après cette période de 2001 de la crise. Le lendemain, le mardi, on a parlé plutôt du moment de la dictature, donc les très fortes répressions, les disparitions, tortures, enlèvements, massacres qu'il y a eu à ce moment-là. Un film donc, qui s'appelle Les Escadrons de la Mort, réalisé par Madame Robin, qui est donc une réalisatrice française, et qui parlait de la formation par les officiers français qui avaient fait la guerre d'Algérie, notamment la bataille d'Alger, et qui ont été formés, les militaires de renseignement, en Argentine, mais aussi au Brésil, mais aussi au Chili. Donc c'était sur cet aspect-là un peu. Le mercredi, on a fait une soirée autour d'un réalisateur argentin qui s'appelle Raimundo Glazer, qui a fait partie, donc qui faisait des films, des ateliers aussi de cinéma dans les fabriques, dans les usines, et qui était engagé auprès de mouvements clandestins, on pourrait dire un peu guérilla, enfin en tout cas mouvements clandestins à l'époque de la dictature, juste avant et au début de la dictature, et qui a été disparu ou assassiné au début de la dictature. Ensuite, donc, c'est les territoires, question de cohabiter, d'avoir un endroit pour vivre, des gens qui vivent dans des parcs. Le vendredi, on était plutôt sur la question des autonomies, mais aussi des luttes pour l'environnement, des luttes paysannes qui essaient de récupérer leurs espaces. Et là, justement, il y avait des films mexicains. Il y avait à la fois des films argentins et des films mexicains du Chiapas. Le samedi, on était sur la thématique... Les mouvements socio-environnementaux. Voilà, les mouvements socio-environnementaux. C'était l'occasion de projeter un film réalisé par un collectif d'ici, de Paris, qui s'appelle Regard à vue. Et c'était donc une lutte sur un projet de mine à ciel ouvert à Andalgalá. C'est dans le nord-est, ouest argentin. Et donc il y a eu plein de petits films. Donc il y a eu aussi un film sur le Mexique. Je crois que c'était aussi sur une lutte socio-environnementale. Et puis, il y avait aussi les assemblées. L'ensemble de la journée regroupe à la fois les luttes socio-environnementales et les assemblées de quartier, les assemblées de voisins qui sont créées à la suite de la crise de 2001. Voilà. Et le dimanche, c'était sur... La culture en général, on avait dit la culture, ouais. Alternative. On a parlé du salon du livre indépendant et alternatif qui s'est créé il y a quelques années. On a parlé, c'est là où il y avait cet atelier de livres en carton. Il y avait un film justement sur la branche culture d'un groupe clandestin des années 70, de la fin des années 70, qui avait monté un journal de poésie, qui avait fait donc des ateliers cinéma, toujours avec ce Raimundo Glazer. Il y avait aussi un film, il n'y avait plus d'autres films en fait, il y avait une pièce de théâtre et il y avait un concert, ça c'est ce qui avait clôturé. Donc voilà, plein de thématiques, c'est ce qu'on a choisi cette année, hein. L'année dernière c'était assez différent, mais on essaye de toucher plusieurs thématiques, mais qui donc vont aussi de plusieurs époques, enfin, là on a des films qui dataient plutôt des années 70 jusqu'à des films des années 2000. Oui, ça permet de comprendre la situation et de découvrir le pays aussi sur cet aspect-là. Oui, très riche. Et du coup, justement, comment vous travaillez au choix ? Il y a une personne qui travaille essentiellement ou tout le monde cherche dans son coin ou a des contacts ou vous faites appel à des associations là-bas ou il y en a qui se déplacent aussi sur place, qui rencontrent des gens ? Infos, il y a un peu de tout. Tu as tout cité. Voilà. Donc on essaye de voir les films ensemble, enfin à plusieurs, pour faire les choix, et puis pour voir ce qui se dégage comme thématique. On est toujours partagé entre envie de choisir une thématique et de trouver les films à mettre dedans, ou de voir ou les le contraire. Films et de choisir les thématiques en fonction des films, c'est pas toujours facile. Mais effectivement, on a lancé un appel à participation il y a quelques mois avant le festival, donc destiné aux collectifs argentins qu'on pouvait connaître. Qui eux ont des contacts, pour qu'ils nous envoient, qu'ils nous proposent du matériel. Ou... Et puis après, les contacts personnels aussi des Argentins qui font partie du collectif ou des gens qui connaissent bien l'Argentine et qui ont des amis là-bas. Et du coup, ce que je me demandais, c'est-à-dire que du coup, là, on a une semaine intense où on voit plein de choses. Évidemment, peu de gens, j'imagine, peuvent suivre l'intégralité du festival. Mais est-ce qu'on a moyen de pouvoir voir à un autre moment ces films-là ou de se les procurer Alors, c'est l'idée d'organiser des projections régulièrement. On en a fait deux ou trois cette année. Et normalement, il devrait y en avoir d'autres. Bon, pour le moment, on n'a aucune date de prévue. Mais oui, normalement, il y a aussi... En fait, que ce soit de manière... enfin, c'est des soirées qui peuvent être organisées uniquement par Pico y Pala, ou alors que ça peut faire partie d'un autre festival. Oui. Par exemple, il y a le FRAP, auquel on va participer. Le festival des résistances et des alternatives parisiennes. Mm-hmm. Voilà. Au mois de mai, il me semble. Hein. Ouais, en général, c'est au mois de mai. Début ouais. juin. Donc là, effectivement, Pico y Pala, avec d'autres collectifs qui travaillent sur l'Amérique latine, vont organiser une journée de projection. Donc il y a aussi un collectif brésilien, il y a deux collectifs mexicains, il y a le collectif Alerta Honduras. Donc on va organiser une journée, on participe à l'organisation d'une journée, ça sera le 4 juin à la Casa Poblano à Montreuil. Donc il y aura plusieurs films et plusieurs thématiques sur l'Amérique latine. Et justement, peut-être pour vous suivre, pour avoir des informations, on clique sur Internet Pico y Pala, ça marche, on tombe marche. Sur, sur le collectif. Effectivement, on a un blog, c'est ouais. Pico y Pala. Donc P-I-C-O-Y-P-A-L-A, donc un peu comme ça se prononce. Voilà, c'est l'avantage de l'espagnol. C'est facile, voilà, c'est le Y après ouais. entre les deux. Okay, hein. Et point canalblog.com. Oui. Voilà, donc là, il y aura toutes les informations. Vous pouvez voir le programme passé et vous pouvez voir les prochaines activités. Effectivement, on participe à d'autres festivals. On avait participé au festival Immédiat aussi, il y a quelques mois, au mois de novembre. Et on pense aussi à organiser des projections ponctuellement sur, avec un film ou plusieurs films. Oui, bah, je pense que justement, avec le comité de solidarité Chiapas, étant donné qu'on... L'un des supports, c'est aussi les films. J'en profite donc pour parler des films Promedios. Qu'ont des films qui sont des documentaires faits par les apatistes, ou pour le moins, en tous les cas, au départ, Promedios, c'est une association qui a travaillé auprès des communautés apatistes, qui a travaillé à la formation, à la vidéo des gens des communautés, de manière à ce qu'elles-mêmes puissent faire leurs propres documentaires. Donc évidemment, il y a des thématiques différentes, la question de l'eau, de la lutte des femmes, coopérative de café... et puis plus dernièrement, par rapport à l'initiative Zapatiste de l'autre campagne, des films sur l'autre campagne, où là, les Zapatistes sont allés à la rencontre des luttes de tout le Mexique, et donc indigènes, pas indigènes, urbaines, jeunes, travailleurs sexuels, etc. Donc les derniers films de Promedios sont centrés sur l'autre campagne, et les premiers plus sur les communautés Zapatistes, les travaux collectifs, l'autonomie, la question de la justice... Et donc, souvent, c'est des bons supports pour pouvoir effectivement faire du débat, de la réflexion, de la rencontre entre les gens, du dialogue. C'est des bons supports. Et je pense qu'il y a un certain nombre de films qui pourraient être mis sur des discussions, sur des thèmes. Et donc, justement, l'une des thématiques brûlantes au Mexique, en fait, bon, le Mexique, c'est la répression, on en parle toujours, donc ça ne fait que s'aggraver, les paramilitaires au Chiapas, mais les agressions ou la violence liée à des projets économiques. Et donc là, tout dernièrement, il y a une grande actualité sur la région de Agua Azul, qui est donc une cascade avec le projet... d'un grand site touristique, et donc comme tous les grands projets, ça veut dire expulsion des communautés, destruction de la nature et blablabli et blablabla. Et donc justement, on a eu l'occasion d'en parler avec vous, Pico y Pala, puisqu'on était vendredi soir à La Veilleuse. Donc j'en profite pour parler de ce bar qui a ouvert récemment, qui s'appelle donc La Veilleuse, 26 rue des Envierges, au métro Belleville ou Pyrénées, qui est un lieu, qui est un bar qui fait des petits prix, qui vend des plats pas trop chers, bons, qui essaye de faire un peu dans le bio pour un peu sortir aussi des logiques. Alors pas tant le bio seulement, mais aussi ça veut dire ne pas acheter les produits de toutes ces grandes sociétés capitalistes, etc. Donc du coup, qui a sa petite sa vision aussi des choses, et qui aussi le vendredi... propose des débats et des projections. Et donc vendredi, il y a eu des petits films projetés sur... Enfin, des documentaires et des petits films sur les apatistes, la question de la terre. Et un film, justement, que tu as présenté tout à l'heure sur la question de la mine à ciel ouvert. Et donc la mobilisation des gens. Et donc on pourrait, évidemment, j'espère, on s'était déjà rencontrés, mais on continuera à se rencontrer, j'espère... au cours de l'année. On va faire une petite pause musicale et on continue ensemble. Musique. Musique. harmonizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. On the apple side, got a bigger, big desire. I want a world set on fire. Beautiful song, song. Last time I saw the light, with just a little love light shine, and it was burning down your eyes. So unsteady, drive me blind. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feel just a little worse than you. May this be my swan song cry. May this be the last goodbye. It's a too dark night, yeah, too dark night. Till she stole the light. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse than this. I got a big, big desire. I want a world set on fire. Beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Feel like a bomb, don't listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Want the world set on fire. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse than you. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feel just a little worse than this. It's a long, long night. It's a long, long night. Feeling just a little worse. Feel just a little worse than this. I got a big, big desire. I want a world set on fire. The song, song, compassion in my head. Head like a bomb, don't listen to the beat, beat, beat of the song, song, compassion in my head. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse than the beat, beat of the song, song. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse than you. I got a big, big desire. I want a world set on fire. I want a world set on fire. Thank you. jungle des luttes sur FPP 106.3. Donc, vous êtes avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, comme tous les troisièmes lundis du mois. Et on a beaucoup parlé jusque-là avec le collectif Pico et Pala du deuxième festival qu'ils ont organisé, qui a donc toute la semaine dernière. Donc, merci d'avoir été là avec nous. On espère vous voir bientôt. Donc, pour les gens qui veulent. Enfin, de voir des projections bientôt. Donc, pour les gens qui veulent, on répète qu'il y a un blog. Il y a un blog, donc c'est Pico Ipala, PicoYPALA, .canalblog.com, donc pour voir les prochaines projections, les prochains événements, ce qu'on va organiser. Donc, on a déjà quelque chose de sûr, c'est notre participation au FRAP, le 4 juin, à la Casa Poblano de Montreuil. Mais de toute façon, il faut regarder toute la programmation du FRAP, parce qu'il y aura plein d'autres choses intéressantes, pas que sur l'Amérique latine. Et puis merci de nous avoir invités. Et peut-être pour un troisième festival l'année prochaine, on espère. Là, on va déjà se reposer du deuxième et puis après, on va voir ce qu'on fait. Pour prochaine. On aura l'occasion, peut-être à l'avance, de pouvoir l'annoncer à notre programme radio si on est toujours là. Et ce sera avec plaisir. On a nos copains musiciens du groupe Moi-Je qui sont arrivés. Donc, on va en profiter. On va profiter de leur présence pour avoir non seulement un morceau, mais aussi... un peu de direct. Donc on écoute un morceau de Moi-Je, le numéro 2 morceau. Et on... Verse les freins, résis qui t'étouffe par phase. Soit pris d'en haut, soit pris d'en bas. Vertige des mondes et d'apparat. Traverse les ondes, ne signe pas comme ça. Répercute la révérence du monde. Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas. L'odeur des opinions suffoque. Plus de pétales roses sur nos fronts. La vase que l'on invoque nous retient bien nos pavillons. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de. Y'a que l'effort qui donne raison. Choisis parmi mon bouquet d'opinions. Et comme ça serre la tête, les taux se multiplient, les vices se pincent en fait. Y'a pas d'étau pour la lobotomie, mais cherche bien. Ne singe pas comme ça, faut pallier tout au commun. L'origine ne chope pas comme ça. Mais quelle magnifique stance! Se retrouve en bouquet, tout se mélange, tout danse, l'eau posée à côté. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison. Choisis parmi mon bouquet d'opinions. La jungle des luttes, le morceau s'arrête brutalement, je ne le connais pas, merci au groupe Moi-Je. Ils ont été invités par Mohamed, qu'on va écouter tout à l'heure, qui nous parlera peut-être plus longuement tout à l'heure de son ciné-club. Du coup, peut-être Mohamed, tu peux nous introduire les invités qui vont ensuite se présenter eux-mêmes et parler de ce qu'ils font. Bah, merci à Jean-Noël, en tout cas. Et excuse-moi. J'y sais, pardon. Du groupe Moi Je. Moi, je connais en fait Jean-Noël parce qu'il a participé à une de nos avant-premières au ciné-club Le Danube Palace. Et entre autres, voilà. Donc, et puis, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est super intéressant. Il joue du didgeridoo, en principe. Donc, voilà. Je vais laisser se présenter. Donc, oui, Jean-Noël, du groupe Moi Je. Donc, ouais, on s'est rencontrés il y a... On se connaît déjà depuis longtemps. Et puis, c'est vrai que j'ai participé à la création d'un palace où j'ai fait une intervention musicale pour présenter, enfin, autour du didgeridoo. Et c'était une expérience intéressante. Ouais, très voilà. Sympa. Et, voilà. Et donc, toi, tu chantes? Moi, je chante. Je commence à chanter tout doucement. J'y m'y mets, mais je suis plutôt musicien. Je joue du didgeridoo, je fais des flûtes, un peu de percu, et donc j'accompagne mon ami JC sur les concerts depuis longtemps. À la voix et à la guitare, non? Voilà. Ouais, exactement. Et donc vous êtes connus sur le 19e ou pour, enfin, comme souvent c'était des artistes du quartier, j'imagine que vous êtes peut-être sur le 19e ou... Du tout. Non, on s'est rencontrés, ça remonte... Un ami en fait, ouais. Qui était d'ailleurs dans le 19e, la première fois que je t'ai vu, il me semble bien. Et non, c'est un ami en fait qui nous a mis en relation, parce qu'on cherchait, avec la formation d'avant, on cherchait justement un didgeridoo pour un morceau spécifique. Et puis Jean-No était là, quoi, pas loin. Et puis du coup, il est venu, puis il en a fait un autre, puis il en a fait un autre. Et du coup, il est resté, les autres sont partis. Mmh. Du coup, maintenant, on est deux ou trois, ça dépend des concerts. Ah d'accord. Donc là, c'était tous les deux, non? Vous aviez un autre compère sur le disque, non? On a la vie d'un groupe, ça bouge beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein. Le concept, ça fait 10 ans en fait que ça existe. Et ça a beaucoup, beaucoup bougé. Ça a commencé avec une batterie, violon. Après, c'est parti plus percu. Il y a eu violon toujours qui est revenu de temps en temps. Il y a eu du violoncelle. Il y a eu plein de gens, des claviers. Enfin, on s'est retrouvés à 6 à un moment. Mais bon, c'est compliqué à gérer tout ça. Donc, 2, c'est bien. Bon, et vous faites des concerts de temps en temps? On a l'occasion de vous écouter en direct? Ça nous arrive. En ce moment, on a pas mal de dates. Notamment si je ne me trompe pas, Seine-Bastille le 21 mai. Voilà, le 21 mai. Ah, donc on jouera aussi avec deux autres groupes aussi. Alors, une association de didgeridoo, donc ça va être les deux autres groupes, c'est plus dub, électro-dub, mais tout ça avec du didge. Et en fait, c'est une association, DJ West, qui organise ça pour mettre un peu en avant le didgeridoo dans tout ce qui est musique actuelle. Et donc, nous, on aura la part chanson, tout ça. Et donc, ça, c'est pour les dates, c'est tout ce que vous vouliez nous faire passer? Ça, ou... c'est le 21 mai. Bon, ça, c'est important. Le reste... Donc, tout le monde note le 21 mai. Répétez le lieu, parce que parfois, on est étourdis. Seine-Bastille, 21 mai. Puis après, non, les autres dates, c'est un peu en dehors de Paris. Mais il faut les dire parce qu'on exactement. Doit sortir de... on n'est pas enclavé à Paris quand même. Hein. Alors, le 30 avril, c'est à Châteauneuf-sur-Noire, sur Loire. Après, ça va être pour la fête de la musique. On sera du côté de Nantes. Et puis le 18 et le 21 à Montargis. Après, fin juillet, début août, vous pourrez nous trouver sur la côte sud de la Bretagne. On part faire une petite mini tournée. Avec un autre groupe, Noef Roman. Et puis voilà, d'autres dates. De toute façon, tout est sur Internet. Ouais. Donc on tape Moi Je. Vous tapez Moi Je. J'ai ma petite formule. Voilà. Tapez Moi Je attaché et vous allez tomber sur moijeux.net normalement. Et là, vous allez tout avoir. Enfin, là, y a toutes les infos, toutes les dates. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, vous avez les infos internet. En attendant, on peut déjà peut-être avoir le privilège de vous écouter en direct, là, maintenant. Direct live. Qu'est-ce que vous allez nous jouer, nous interpréter? Ben là, on est parti sur un nouvel album. Donc, on commence à travailler sur des morceaux, chanter des chansons nouvelles, en fait. Et là, on va vous faire Paris. Donc, qui n'est donc pas sur l'album que vous nous avez offert aujourd'hui. Qui sortira rentrée, fin de l'année. Voilà. Tout dépend. De comment ça bosse. De comment ça bosse, voilà. Là, il y en a déjà 4-5 en boîte, à peu près. Donc, il y en a encore 6 ou 7 à faire. Mmh. On les a, mais il faut les enregistrer. Et donc, ça ne devrait pas tarder à suivre. Après, c'est l'ingé du son. Après, c'est le graphiste. Après, c'est l'imprimeur. Après, bon, c'est les sous aussi. Bon, bah, bonne chance pour l'album. Enfin, pour la préparation de l'album. Et merci à vous. Bon, on vous écoute beaucoup. Avec Paris. À Paris, on se suicide, on se meurt en solitaire. Tout seul, on manque d'air, étouffé par le poids des tuiles. Paris, c'est ma ville, comme un cordon alambiqué. Je n'erre plus pour me blinder contre tes charmes, Paris la ville. Je me cache tes lumières, l'air ressort quand ça fait bien. Paris n'est plus une fois éteint, la Seine rêve d'être rivière. Paris, j'aborde tes quais, côté glacé qui refroidit. Le sang d'un souvenir, si chaud dans mes plaisirs, Paris. Paris, j'aime pas tes fourmis, mais tes fourmillements, tes coups de nerfs et le cheminement de la rage qui grandit. Paris, j'aime quand tu sourcilles, quand je cligne mon œil en l'air, tous ces hasards que t'éparpilles qui échappent au terre à terre. Je t'ai erré de fil en quartier, de fontaine en marronnier. Paris, ma ville, je t'ai aimé, même trop bien rêvé quand tu pesais moins lourde, quand tu me ravissais encore. Quand n'apparaissait pas encore ta graisse, tes vergetures, ta peste et tes foulures. Des tours de clés bien trop tournées qui montrent leur dos à la paix. Paris, ville parmi les villes, Paris où mille feux brillent, tu portes en toi le sens obligatoire de la city. Si t'es servi, sers la city, mais brouille pour entrevoir. Porte-la dans tes pleurs comme on porte une fiancée. Paris jamais à moitié, Paris pardonne quand on lui donne. Paris s'éteindra un jour, bête immonde et picador. Hasta luego, défaut du sort, comme un fardeau, une tête de mort. Paris nous survivra, Paris ma ville, c'est délicat d'arrêter de me droguer de toi. Quand on décroche, quand on s'éloigne, tous les coups d'œil sonnent capital. Non, qui sonne mal, qui siffle le chien. On reconnaît la race des troupes urbains, comme Cernetieux contemporain, qui cligne 100% blindé par l'extase des préjugés, qui défigure, qui nous rassure. À Paris viendra la rencontre, mais plus question d'encontre. Ses lumières aveugleront tous ceux qui lui disent non. Vivre Paris, c'est un travail, rien de bien naturel en somme, mais savoir cerner le détail, ne plus recommencer Sodome et l'empêcher de se rapprocher de nos beaux très vieux rochers, des déserts de paille, des champs de blé, que Paris n'enflamme pas le bûcher. J'aime les gens, dit-il élégamment. Ces bars pourris et ces légendes, les gens s'entassent et se la ramassent. Pertinent le clin d'œil, et fine est la rétine. Explication d'orgueil, les noyades se déclinent. Paris, c'est ça, idée en tas, entassé sur le pied astral. Lui fait de l'œil le partage cause. L'important, Paris, la rose, la fresque, on piétine au marché. Mais marché noir ou blanc clinique, où se mêle foule, foule de flots antiques. Lac naturel, c'est pathétique. Paris serait africaine, idyllique, mère de l'idée, un peu de roots anti. y a pas mieux pour digérer. Paris nous survivra. Paris, ma ville, c'est délicat d'arrêter de me droguer de toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, n'hésitez pas à venir quand vous avez votre album pour qu'on puisse annoncer. On peut trouver facilement votre disque. Le premier. Ouais. Oui, sur internet. Voilà. Donc d'ici là, on pourra avoir l'occasion d'écouter d'autres morceaux. Et merci encore d'être merci là. Merci c'est à vous. Très bien. Merci. Merci. Non, merci beaucoup. Merci Mohamed pour le pont justement, puisque du coup. C'est important de faire des ponts. Festival Pivco n'est pas là, c'est l'occasion de faire des ponts entre les luttes. Et nous, notre émission, on tient à pouvoir justement aussi ne pas parler justement que des Zapatistes et du Mexique, ce qui nous tient à cœur au quotidien et depuis toujours, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres luttes, des gens qui font des choses, des belles choses. Pas toujours de la lutte, il y a aussi des luttes dans les mots, avec de la musique. Le cinéma, les projections. Il y a un petit clin d'œil au Mexique, justement, sur l'album dans Soldat Lambda. Mon beau-frère mexicain qui s'est lâché dans l'intro et dans la fin du morceau. Bon, alors voilà, comme ça, on repérera ça. C'est noté, Pablo. On note dans nos calepins. Merci beaucoup, en tous les cas. À très bientôt, j'espère. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Des fois, on aime bien avoir aussi des animations musicales. Donc, on espère continuer les croisements. On est là. Et donc, justement, avec Mohamed, on est content aussi de se croiser, puisque lui, on ne se connaît pas, en fait. On s'est connus pour cette émission. Mmh. En réalité, c'est un pont grâce à J2P, le centre social du 19e. Qui est un centre social qui sera avec nous pour le troisième lundi de mai, donc pour l'émission du mois de mai. Normalement, ils vont préparer une petite émission avec les gens du quartier, donc selon la disponibilité des gens, leurs envies. Mais normalement, ça devrait être un programme avec des gens du quartier et les activités de J2P qui, donc, du coup, t'a accueilli, toi, et t'accueille encore, justement, depuis le début. Pas depuis le début, mais depuis, en tout cas, 2010. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils l'ont fait gracieusement et avec leur bon cœur et ce qu'un centre social, effectivement, a pour but de faire, en fait, entre autres, des activités, effectivement, sur l'alphabétisation, le soutien scolaire. Enfin, c'est ce que fait, en général, un centre social aussi. Et donc, en fait, nous, au départ, quand on a créé l'association, donc c'était en 2007, et on diffusait nos films dans un théâtre qui s'appelle le théâtre Darius Milhaud. Et il se trouve que la première année, ça s'est très bien passé, la deuxième année aussi. Mais le théâtre, en fait, a dû louer donc, sa salle à une autre association qui la louait beaucoup plus fréquemment, donc beaucoup plus, effectivement, de rente pour le théâtre, qui aussi souffre un peu de subventions, qui lutte aussi pour exister et continue à exister, en tout cas, quoi. Donc nous, c'était une location, en fait, la salle, c'était plutôt une location. Et comme je connaissais un petit peu déjà le centre social et culturel J2P, donc ils m'ont accueilli tout naturellement et avec générosité, quoi. Parce que c'est vrai que le centre social J2P, qui est donc rue Petit, voilà, a évidemment des activités de base et accueille ce que fait souvent aussi les centres sociaux d'autres associations, souvent juste pour une boîte aux lettres, parfois pour offrir un espace. Mais ce centre social bouge beaucoup en tous les cas et crée beaucoup de liens sur le quartier. Et ce que tous les centres sociaux n'arrivent pas toujours à faire et organisent aussi. Donc c'est pour ça qu'on est en contact avec J2P, c'est qu'ils ont organisé en fait pour la deuxième année, donc cette année, une fête avec la thématique du Mexique, avec des projections de films à chaque fois, ce qui donne l'occasion de discuter avec les gens du quartier de la situation au Mexique, de ce que sont les Zapatistes, de quelles sont leurs initiatives. et de créer des liens. Donc on est content de les avoir la semaine prochaine et que justement ils nous aient mis en lien avec toi, qui toi nous met en lien avec le groupe. Et voilà. Et puis finalement, c'est vrai qu'on se rejoint un petit peu quoi, dans ce combat. Puisque quoi. Donc justement, parce que nous toi, aussi, voilà, nos projections, ton engagement, c'est aussi de faire découvrir d'autres cultures à travers le cinéma. Et comme le cinéma, effectivement, c'est fédérateur et que ça fait venir toutes sortes de personnes et que ça peut être aussi intergénérationnel. Donc l'idée, c'est de par ces films, de faire venir un public qui ne connaissent pas forcément ces films-là, qui ne sont pas pour autant intimistes ou chiants à regarder, mais qui sont tout simplement méconnus parce que faute de moyens, peut-être, de pouvoir en général, les réalisateurs, ils n'ont pas forcément non plus beaucoup de moyens, ou c'est des films aussi qui ne sont pas commerciaux et destinés à un but commercial. C'est aussi ça, c'est pas du film commercial. Exactement, et puis il y a un fond qui parle effectivement à l'être humain, quoi, en fait, finalement. Ces films-là, ça parle à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, il y a des choix. Il y a des choix de films, et c'est donc 2 € la place qui permet aussi, surtout parce que c'est la dimension économique, parce qu'en réalité, il y a des films que je pense certains auraient pu voir sur les grands écrans, puisqu'en fait, je sais pas, je pense au Citronnier, qui est un film que certains ont pu voir dans des grandes salles. En même temps, vu le prix du cinéma et de l'accès à la culture, comme on dit, c'est une histoire de gros sous. En fait, du coup, là, ça permet pour 2 € d'aller au cinéma. Donc, c'est aussi. Par contre, on peut peut-être parler, toi, tu as fait un choix au niveau de. Enfin, j'ai dit tu, c'est vous, votre association. Oui, en même temps, vous n'êtes pas beaucoup. Ouais, on a un bureau et puis moi, quoi. Parce qu'on n'a pas de conseil d'administration, ni de. Comme ça peut se faire dans les centres sociaux, en l'occurrence aussi. Et non, mais en fait, nous, on fonctionne par cycle. Et chaque année, on change de cycle, donc on change de continent. La première année, on était sur l'Afrique, donc on a fait découvrir la cinématographie africaine. L'idée aussi de ces séances est d'inviter, de créer des premières parties, quand on le peut, parce qu'on peut, on peut pas toujours, et des premières parties et des artistes du quartier. Donc notamment Jean-Noël. Jean-Noël, quand il a assisté en fait à une première partie, c'est parce que je le connaissais, il travaillait effectivement dans une association aussi. Donc c'est de faire découvrir pas seulement le cinéma, mais aussi d'autres artistes de quartier. Du quartier que les gens ne connaissent pas forcément et qui pourtant ont du talent, comme ces films qu'on ne connaît pas et qui aussi ont du talent, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc la première année, c'était ça. En fait, on voulait un peu reproduire comme ça se passait à l'époque dans les cinémas, dans les années, pas si loin, hein, 60, 70. Et en fait, il y avait une attraction, des actualités et le film. Et c'était quelque chose de... Il y avait beaucoup de liens, beaucoup de rencontres, en fait, de plusieurs univers autour du film. Et ça, j'aime bien ce concept, en fait, parce que c'est vrai qu'actuellement, les cinémas, quand on va au cinéma, c'est l'usine, un peu, quoi. On va voir son film, on prend son... Voilà, il n'y a même plus d'ouvreuse, pardon. Et en fait, tout a un petit peu, disparu, quoi. Donc nous, on essayait, en fait, de recréer ça. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, parce que c'est vrai que les artistes, il faut avoir le temps aussi. Des fois, comme moi, j'ai un travail aussi en dehors de l'association, donc c'est pas évident de quand on est tout seul, en fait, de tout mener de front. Vous continuez quand même à faire les projections tous les mois, toujours au théâtre. Au centre social et culturel J2P, et donc en 2008 c'était sur l'Afrique. En 2009, on a fait découvrir la cinématographie du Moyen-Orient, pays du Maghreb. Et en 2010, on était sur immigration, intégration. Donc, dans nos projections, dans nos cycles, en fait, on met toujours un film qui a eu quand même un impact commercial. Donc, comme par exemple Indigène sur immigration, intégration. On a diffusé Indigène parce que ça a son intérêt aussi en matière de discussion et de débat, parce que c'est des projections de débat aussi. Ça, c'est pour faire aussi découvrir la sélection, parce que c'est vrai que si on mettait que des films aussi inconnus, c'est vrai que c'est difficile, les gens, ils ont du mal à aller aussi sur des choses qu'ils connaissent pas. Et quand ils voient un film qui est connu, effectivement, quand ils s'aperçoivent qu'il y a un film qu'ils connaissent, ils regardent peut-être l'autre, la sélection entièrement, quoi. Donc il y a aussi ça, quoi. Et donc là, la prochaine prochaine projection, c'est... Alors la prochaine projection, donc on est sur l'Asie. Donc le cycle Asie, donc à l'ouest rien de nouveau, à l'est il était une fois, parce qu'on choisit toujours des petits titres, en fait, des sous-titres. Le mois prochain, enfin ce mois-ci plutôt, le 29, on diffuse un film du Japon qui s'appelle Dodes Kaden, de Akira Kurosawa, je crois, Oui. Et donc, on est en partenariat, en fait, en lien aussi avec J2P, parce qu'on organise la soirée avec J2P. Donc, c'est une grande soirée, en fait, sur le Japon. Donc, il y aura donc le film, un débat, et ensuite, il y aura une musicienne japonaise qui va interpréter à l'instrument qui s'appelle le shimisen, je crois. J'ai un petit peu de mal avec le shimisen. Il faut s'habituer, toutes les langues, tous les pays. Exactement. T'apprends beaucoup de choses. Exactement. Du coup. En plus, ouais, voilà, ça nous permet effectivement d'apprendre aussi les instruments qui peuvent exister autour du Japon. Et donc, ensuite, il y a une petite dégustation sur la gastronomie, voilà, entre autres. Entre autres, bah oui, puisque. Donc voilà quoi. Et ça c'est le 29 donc avril. Au centre social J2P, c'est rue J2P, Petit. C'est au 17 rue Petit, c'est au métro Lomière, donc c'est dans le 19e. Donc c'est 2 euros C'est 2 euros en fait quand on prend une adhésion. Et autrement, si on ne veut pas prendre une adhésion, on n'est pas obligé. Hein. C'est 4 euros. Oui, c'est ça. Donc là, il y a un système d'adhésion comme ça pour les gens qui veulent suivre du coup les projections. Ils ont, Et c'est une adhésion familiale. Donc, voilà, toute la famille peut participer. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est effectivement quand c'est intergénérationnel. Oui, donc, bien sûr que les gens puissent, à l'intérieur des familles, parler, discuter ou aussi fait, rien que les échanges aussi entre enfants et adultes, même s'ils n'ont pas de la même famille. Exactement. D'ailleurs. Et justement, quand J2P nous a invités à la soirée mexicaine, il y avait la projection de Los Vigilantes de Christophe Cordier, qui est un film poétique qui peut être classé peut-être dans les documentaires, parce qu'il y a une dimension documentaire, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais enfin bon, c'est diffusion du film poétique de Christophe Cordier. Et donc au départ, on avait proposé à ce que les jeunes ne rentrent pas, parce que bon, c'est un peu violent, c'était un peu spécial. Et au départ, ils n'étaient pas spécialement conviés, mais ils ont insisté, les jeunes, ça insiste toujours pour voir ce qui se passe, et ils ont raison. Exactement. Et donc, c'était génial, parce qu'ils n'ont pas trop vu les sous-titres qui étaient remplis de gros mots, etc. Bon, voilà, et en fait, c'était un très beau documentaire, mais du coup, c'était vachement intéressant, parce qu'ils n'ont pas vu les mots, mais ils ont compris sans doute quelque chose d'autre, en fait, en réalité, puisque... On voit, j'en parle parce que j'avais vachement été frappée par ce moment où c'est en fait un paysan, jeune paysan qui vient de parler de la répression, bon, qui est quand même habillé en pantalon, chemise blanche, donc, et qui en fait est en train de parler de la répression, de la violence faite aux femmes, tout particulièrement, et qui pendant tout le temps où il parle se déshabille et finit en femme. Et c'est assez génial comme moment, et donc bon voilà, j'en reparle parce que ceux qui veulent voir ce film Christophe Cordier, c'est Los Vigilantes, et donc justement voilà, c'était vachement intéressant de pouvoir discuter avec ces gens du quartier qui d'eux-mêmes ne viennent pas au comité, mais qui du coup effectivement là ont accès à ce qui se passe là-bas, de l'autre côté, autre part, et J2P, merci. Et donc du coup le 29 avril, là ce sera la découverte du Japon. Voilà. On va faire une petite pause musicale et on revient avec Danube Palace. Merci. Musique. Till they went to school. Not a normal school that breeds a fool, but the one that teaches men aren't fit to rule. That's when he took his pearly crown, he raised it up and spun it round, and tossed it into the deep blue underground. No longer led by the ways of man, he looked for the kingdom deep within. That's when the drums in his head began to pound. Don't let nobody bring you down. Accurate knowledge of Christ and the Father will bring the everlasting down. Join the party, make the sound. Share the truth, preach the good news. Don't let nobody bring you down. The everlasting down. Now I turn the page at an early age. His brother on stage, he was all the rage. integrated world the same. The color you are don't mean a thing. Everybody's a star, all the everyday people sing. You change the font, put it in a bag. Then you change the colors of the flag. But you can't teach a dog new tricks if the tail don't wag. Don't no matter how much money you made, all the cars you got and all the women you laid. If you mess with the flag, to them you're still a spade. Don't let nobody bring you down. Accurate knowledge of Christ and the Father will bring the everlasting now. Join the party, come on, make a sound. Share the truth, preach the good news. Don't let nobody bring you down, everlasting. World, plastic boobs and clip-on curls around the pose, a big butt twirl. Oh, these are the dreams that you want to furl. Never ever last. Turn it up. La jungle des luttes, donc on est avec Danube Palace, donc le ciné-club du quartier du 19e. Donc on parlait de la prochaine projection, le 29 avril. Le 29 avril, voilà. Bon, il faut savoir que les projections, c'est donc chaque mois, y compris au mois de juillet et au mois d'août. Hein. Bah oui, voilà. Pas de répit. Donc, pas de répit, voilà, exactement. Bah c'est, quand c'est mensuel, vaut mieux y aller parce que sinon ça, ça réduit vite. Hein. Exactement. Et mais aussi en fait dans notre entreprise, enfin dans notre démarche, pas entreprise mais démarche plutôt, c'est aussi d'être itinérant et de pouvoir faire des projections aussi ailleurs. Donc c'est l'idée, notamment on projette depuis l'année dernière des films aussi dans une association qui s'appelle Entraide, dans un autre quartier. Donc l'idée c'est effectivement que ces films-là qui aussi ne sont pas, enfin ils sont vraiment pas connus. Dans ces quartiers aussi là quoi, et parce qu'ils ont pas, ils ont pas eu de communication non plus quoi. Donc c'est aussi d'être itinérant. On travaille aussi en lien avec les mairies, avec pour la journée de la femme, vous aviez fait une projection. Voilà, on avait fait une projection autour de la journée de la jupe du film d'Isabella Gianni. On avait reçu le réalisateur, donc de là voilà, c'est un peu le film J qui nous a un petit peu porté chance, quoi, parce que de là, bah voilà, c'est ouvert en fait finalement, parce qu'on s'est fait connaître aussi de la mairie du 19e, parce que on a dû refuser une centaine de personnes. Donc on a refait une projection le mois d'après, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film avait eu Isabelle Adjani avait eu le César pour ce film-là. Et donc 3 semaines avant, je crois. Puis nous, bon, on l'avait déjà programmé bien avant. Hein. Donc les gens, ils se sont précipités, vu que c'est un film qui est passé très peu de temps à la télé, puisqu'il est passé avant tout sur Arte, je crois. Oui, avant la sortie. Avant la sortie, voilà. Et ça a fait du bruit d'ailleurs, parce que au niveau des producteurs, enfin au niveau des distributeurs et des salles de cinéma, ils voulaient plus le diffuser parce que pour eux, c'était un téléfilm. Enfin, il y a eu un peu, voilà, une polémique autour de ça, quoi. Et du coup, bah, les gens, ils ont voulu absolument voir ce film. Et c'était, mais il fallait voir, quoi. C'était vraiment. Et du coup, il y a eu des bons débats après. Ah oui, il y a eu un bon débat, parce que le réalisateur, nous a fait la gentillesse de, je l'avais contacté auparavant, Jean-Paul Lilienfeld, qui donc s'est déplacé et a discuté, voilà, pendant une heure, accompagné d'une élue en fait à la mairie qui s'appelle Geneviève Lang, qui travaille aussi autour des femmes et du handicap. Donc voilà, parce que c'était aussi organisé un petit peu avec elle aussi, donc la projection. Donc il nous a fait effectivement la gentillesse de venir et de parler, de débattre autour de son film pendant à peu près une heure, quoi. Donc c'était très, très sympa. Et les gens, bon, parce qu'en fait on n'avait pas mis de réservation en fait aussi sur l'affiche. Et parce qu'en général, il n'y a pas besoin de réservation, bah pour, voilà, venir parce avant. Parce qu'on pensait qu'effectivement, on aurait, voilà, 50 personnes, 60 personnes. Et finalement, bah, voilà, il y avait 100 personnes qui attendaient en bas, quoi. Donc, on leur a donné une affiche avec une date supplémentaire, donc, qui se produirait en fait, à la fin du mois. Et donc, ils sont revenus. Hein, les gens sont revenus à la fin du mois. Ils sont revenus pour voir ce film. Donc, c'était double débat et double plaisir aussi. Parce que c'est vrai que c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à voir absolument, quoi. C'est voilà, dans son personnage, Isabelle Adjani, elle déchire, quoi. Elle est vraiment mais c'est hallucinant, quoi, parce qu'il parle en plus, voilà. Et là c'est vraiment une lutte aussi contre elle-même et contre aussi les élèves, quoi, parce que voilà, c'est un système éducatif qui est en perdition, quoi. Et de là, bah voilà, ça engendre en fait, enfin c'est un film, voilà, il faut absolument voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, quoi. Et donc là, du coup, sur le film, là t'es sur le cycle Asie cette année, du coup là, l'autre fois on parlait, enfin tout à l'heure plutôt, on parlait donc du festival Pico et Pala, qui lui du coup chaque jour avait une thématique. Là sur le cycle Asie, tu choisis comment un peu les films, c'est en fonction de, parce que toi tu payes des droits de, voilà, on paye les droits de diffusion. Alors nous, pour la plupart des films, effectivement on connaît une association qui se trouve dans le 5e, je crois, qui s'appelle MTM, la médiathèque des Trois Mondes. Et en fait c'est une association qui regroupe pas mal de films et qui ont acquis les droits, pardon, donc pour ces films là donc qui sont quand même raisonnables au niveau pour nous budget, en tout cas, l'association, ouais, au niveau du budget, voilà, qui sont assez raisonnables au niveau du prix. Et on arrive toujours à négocier, et quand on va pas chez eux, ben on appelle directement le distributeur ou le producteur, ça dépend. Et là, c'est à nous de négocier, parce que bon, un film, pour le diffuser, il faut savoir que ça peut être entre 150 et 450 euros, quoi. Voilà, donc c'est pas évident non plus. Bon, c'est à nous, effectivement, à chaque fois, de négocier le tarif. Et, donc ça aussi, c'est une lutte. Voilà, il n'y a que des luttes, évidemment. Bon, bah, la lucha sigue. Je voulais justement, merci Mohamed, et donc AJ2P le 29 avril. Ouais. Et puis est-ce que je peux donner juste le site internet de l'association, parce qu'on a un site internet. Et bah, on tape Danube Palace. Voilà. C'est www.ledanubepalace.com. Voilà. Et donc vous allez voir ce qu'on fait un peu plus en détail en fait. Et donc, du coup, on est ensuite là, on en parlait tout à l'heure avec la rôtisserie qui, donc, elle est en lutte depuis 5 ans, donc, puisqu'il y a eu des petites malversations au niveau du rachat de ce lieu. Et donc, il y a eu un procès. Donc, en janvier, la rôtisserie a perdu le procès. Donc, ils ont fait appel. Bon. On n'est pas, voilà, c'est jamais gagné, donc il y a normalement le mandat d'expulsion qui devrait tomber très prochainement. Donc d'ici là, la rôtisserie marche à plein tube, faut y aller. Donc le midi, c'est les salariés de la rôtisserie qui travaillent. Le soir, ce sont des associations adhérentes de la rôtisserie qui donc, elle, organise les soirées, comme on le disait tout à l'heure avec Pico et Pala, et où, comme nous, le comité de solidarité, on récupère des fonds et ça va au projet des associations et collectifs divers et variés. En général, quand même, des collectifs de solidarité internationale ou des organisations politiques ou syndicales plutôt radicales, libertaires, bon, des collectifs qui bougent ou des groupes féministes, etc. Donc, selon les soirées, on appuie des projets différents et en global, on fait tourner le projet de la rôtisserie qui est donc l'idée aussi d'avoir donc des salariés, enfin un restaurant autogéré. Donc, c'est toujours important pour les salariés de pouvoir être quand même leur propre patron. Entre, je n'ai pas trouvé d'autres mots là, pardon. Bon, donc on soutient la rôtisserie. Il y a un repas qui sera tout spécifique en solidarité pour la rôtisserie. Donc c'est le 8 mai. Donc je rappelle l'adresse de la rôtisserie, c'est 4 rue Sainte-Marthe. Donc métro Belleville, c'est en bas de la rue Sainte-Marthe. Donc pour ceux qui veulent y aller, et puis tout particulièrement le 8 mai, d'ici là, tout, bah, bienvenue. On va vite parler aussi... d'une nouvelle puisqu'on parlait tout à l'heure de répression, donc au Mexique, on l'a dit, ça ne s'arrête jamais, c'est, il y a toujours des nouvelles, et donc là aujourd'hui il y a eu l'expulsion d'un professeur d'anthropologie qui enseignait à l'université de San Cristobal, qui lui est un journaliste italien au départ et qui travaille pour El Manifesto, qui donc voilà, qui travaillait à l'université autonome du Chiapas, qui a donc été expulsé et qui a suivi évidemment depuis le début le mouvement zapatiste, et donc ça continue les agressions auprès des gens qui sont solidaires avec les zapatistes. Donc ben voilà, la lucha sigue un peu partout, on pense à lui, aux autres compas d'ici et d'ailleurs. Merci à Pablo et Magali pour la technique. Merci Jean-Christophe, Jean-No pour ce beau morceau. Mohamed, merci Danu Palas et Omblin et Glenn pour Pico et Pala. Merci à vous. À très bientôt tout le monde. On finit en musique et ben voilà, on laisse l'antenne aux copains d'après. À tous, j'oublie, ah, parce qu'on va pas se reparler avant le troisième lundi du mois de mai. Le 12 mai, un jeudi, nous avons sur Paris des invités du Mexique, des gens très proches des zapatistes, dont l'un travaille avec une revue, Rebeldía. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette revue sur nos tables. Donc, et avec voilà, un autre ami de lutte depuis toujours avec les zapatistes. Donc, ils viendront nous parler un peu de la lutte des zapatistes, de ce qui se passe au Mexique et de leur relation avec nous, les groupes de solidarité internationale. Donc, ils font une tournée en Europe. Et donc, le 12 mai, ils seront à Paris. En fin d'après-midi, si rien ne change, ce sera au CICP. Sinon, vous avez toujours le blog, le site du cspcl.ouvaton.org. Donc, je crois que vous pouvez avoir les infos, ou sinon, en tapant CSPCL, facile, direct, on tombe sur le site. À bientôt, merci tout le monde. Et je voulais juste remercier, moi, Ketia de l'association J2P. Voilà, Ketia. Qu'on écoutera la semaine prochaine avec tous ses copains. Voilà. Merci, Ketia. Merci à tous. Ciao.